Chapitre 3e. De la cour de Serendip et de ce qui s'y passa. Ce fut une grande rumeur à la cour de Serendip quand on vit revenir la princesse dans l'état où elle était. La reine poussa des cris en voyant l'énorme cicatrice qu'avait faite le marteau du magicien et que le baume appliqué par Poltronet n'avait pas fait entièrement disparaître. Cette cicatrice, cachée en grande partie sous les magnifiques cheveux blonds qui ornaient cette tête charmante, avait l'indiscrétion de s'avancer un peu au-delà et de projeter sa ligne rouge jusque sur la lisse blancheur d'un front pur et poli comme le marbre. Le roi, qui s'inquiétait encore plus du dedans que du dehors, se tordit les bras de désespoir quand il vit que, pendant une heure de conversation avec celle qui avait mérité le nom de fleur d'esprit, il n'avait pu en tirer que des syllabes sans suite. Tous deux interrogèrent Poltronet, qui raconta ce qu'il avait vu sans parler de ce que la fée lui avait dit. Il avait ses raisons pour garder un silence prudent. En effet, dès son arrivée, il avait remarqué au milieu de l'accueil qu'on lui faisait, accueil aussi flatteur que le permettait la douleur générale, il avait remarqué la mine renfrognée de trois beaux jeunes gens qui le regardaient d'assez mauvais œil. Il s'était informé, et il avait appris que ces trois personnages étaient des princes étrangers, aspirant tous à la main de la princesse. Or, comme il avait l'esprit vif et ingénieux, sans qu'il y parût, il comprit tout de suite qu'il fallait laisser croire à ceux qui le traitaient si justement comme un rival, que le mal était irréparable et que la raison de fleur d'esprit était perdue sans retour. L'événement montra qu'il avait sagement agi. Dès le jour même, la cour et le peuple de Serendip, qui se composaient de gens bavards, frivoles, prompts à rire de tout, savaient le malheur arrivé à l'illustre personne dont l'esprit et la sagesse étaient pour le royaume un juste sujet d'orgueil. Dès le soir, on faisait des plaisanteries sur cet accident dans les cercles où l'on se racontait les nombreuses preuves d'ineptie données par la princesse. On riait de la catastrophe qu'on avait déplorée d'abord, et les beaux esprits cherchaient un nom qui pût remplacer le nom de fleur d'esprit, devenu tout à coup si mal placé, de si bien porté qu'il était. Après qu'on en eut repoussé plusieurs, dont les uns n'avaient pas assez de signification, dont les autres en avaient trop et portaient atteinte au respect commandé par la majesté du trône, on trouva charmant le mot d'un jeune homme à la mode qui déclara qu'une princesse aussi fêlée devait fuir continuellement et qu'on ne pourrait plus en approcher. Quand les princes firent leur tournée dans les salons, on leur demanda s'ils persistaient à épouser la princesse fêlée. Tous trois affirmèrent que l'accident arrivé à l'objet de leur amour ne changeait rien à leurs prétentions et ils accueillirent en riant les plaisanteries qu'on leur adressa à ce sujet. Mais ils riaient du bout des dents. Le lendemain, un des trois prétendants demanda une audience au roi et annonça son départ en disant qu'un ordre imprévu de son père le rappelait dans son royaume. Le surlendemain, les deux autres prétendants se rencontrèrent à la porte du palais. Après une altercation assez violente, chacun voulant passer avant l'autre, ils furent introduits ensemble et dirent tous deux qu'une révolte de leur peuple les forçait à partir soudainement pour aller rétablir l'ordre dans leurs états. Le roi remarqua cette coïncidence qui montrait clairement que les raisons alléguées n'étaient que des prétextes et il s'en affligea. Poltronet, au contraire, se réjouit de ce triple départ qu'il avait prévu. Se voyant débarrassé de ses rivaux, il s'en alla dans la forêt où s'élevait la cabane de la nourrice. Il chercha le chêne désigné, regarda par le trou, alla droit au rocher, le fit tourner en disant les paroles que la fée Flamèche lui avait apprises, descendit l'escalier et trouva tout ce que la fée lui avait promis. Poltronet saignit l'épée, il prit l'arc à la main, mit le carquois sur son dos et appela Agib en sifflant doucement. Le cheval, un charmant animal blanc comme la neige, aux jambes fines et nerveuses, à l'œil intelligent, s'approcha aussitôt de lui. Le prince le flatta de la main, s'élança sur son dos et fit entendre un léger clappement de langue. À ce signal, le coursier bondit vers l'escalier, grimpa les marches au galop et s'élança dans la plaine, emportant le prince émerveillé de sa grâce et de son agilité. De retour à la ville, Poltronet demanda à être introduit près du roi. Celui-ci le reçut avec empressement et s'excusa d'abord de ne pas lui avoir adressé dans les premiers moments de trouble les remerciements qu'il devait à celui qui avait secouru et ramené sa fille. Après quoi il lui demanda s'il pouvait lui être agréable en quelque chose. « Sire, répondit modestement Poltronet, je n'ai rien fait encore, mais j'ai l'intention de faire quelque chose, et il ne dépend que de vous que j'en sois largement récompensé d'avance. J'adore la princesse Fleur d'Esprit. » « Hélas !» interrompit le roi en soupirant. « La princesse Fleur d'Esprit n'existe plus. Ma fille n'est plus que la princesse Fêlée, comme ils disent. Fêlée ou non, j'éprouve pour elle un amour qui ne finira qu'avec ma vie, et je veux savoir s'il m'est permis d'espérer le bonheur auquel j'aspire. « Hélas !» dit encore le roi en soupirant de nouveau. « Il est trop tard. » Et il expliqua à Poltronet stupéfait pourquoi il était trop tard. Le départ des trois prétendants avait désolé les parents de la princesse, en leur faisant voir combien il serait difficile désormais de marier leur fille. La reine, qui était une femme habile à saisir les occasions, était revenue la première de son abattement, et elle avait profité de la circonstance pour remettre sur le tapis un projet qu'elle avait toujours secrètement caressé. Il y avait à Serendip un bossu, vieux et laid, mais qui possédait d'immenses trésors. Ce bossu avait osé lever les yeux sur la princesse. Or, la reine était avare. Elle avait deviné les prétentions secrètes de Montando, c'était le nom du bossu, et elle aurait volontiers accepté pour gendre un homme si disgracié de la nature, mais si favorisé de la fortune. Cependant, elle n'avait pas osé le dire, sachant bien que ni son mari ni sa fille n'y consentiraient. Mais l'état présent des choses changeait tout. Elle avait adroitement amené le roi à donner un consentement que personne peut-être ne consentirait plus à demander. On avait fait venir le bossu qui avait déclaré aimer la princesse pour elle-même, c'est-à-dire pour sa position et nullement pour son esprit, et les paroles avaient été échangées. Poltronet écouta toutes ces explications dans un morne silence. « Mais, dit-il, quelque temps après que le roi eut fini de parler, la princesse approuve-t-elle ? » Le roi haussa les épaules, prit Poltronet par la main et l'emmena dans la cour du palais. La princesse était là. Elle jetait des cailloux dans un puits et s'amusait à regarder les ronds qui se faisaient sur l'eau, s'élargissant d'abord, puis diminuant ensuite. Ce spectacle paraissait l'intéresser vivement. Poltronet s'approcha d'elle. Il lui parla, lui disant tout ce que pouvait lui suggérer l'amour le plus tendre. La princesse Fêlée le regardait et semblait l'écouter avec une grande attention. Il se tut, croyant avoir éveillé en elle une lueur de raison. Mais elle lui rit tout à coup au nez, frappa dans ses mains et se mit à courir après un chien qui passait. Poltronet resta interdit, les jambes écartées, les yeux remplis de larmes. « Vous voyez ?» dit le roi. « Non !» s'écria le malheureux jeune homme. « Je ne peux pas me résigner à un sort si cruel. J'ai juré de retrouver l'esprit de votre fille et de le lui rapporter. Si je réussis, je ne veux pas que ce soit pour en faire profiter cet affreux bossu, qui n'est pas même capable d'apprécier le trésor à la conquête duquel je vais risquer ma vie. Si votre fille refusait d'épouser ce monstre, auriez-vous dessein de la contraindre ?»« Non, certes, dit le roi. Eh bien, donnez-moi du temps. Si je parviens à retrouver la raison de la princesse, elle m'aimera, je le sens là. » Et il mit la main sur son cœur. Le roi réfléchissait. « Ce que vous demandez est possible, dit-il. Nous n'avons pas désigné de jour pour le mariage. Fixez un délai raisonnable et on attendra jusque-là. » « 1 an et 1 jour, dit le prince. « Soit, dit le roi. Poltronet retourna chez lui, prit ses armes, monta sur son beau cheval et se mit en route, suivi de son écuyer. »